Le temps pourrait finir par nous figer. Le monde entier pourrait bien essayer. On a ceux qui ont du mal à trouver. Ça au-delà. Ça au-delà. Quand tu parles, ma terre se met à trembler. Et dans tes larmes, je pourrais me noyer. Ce que tu fais, même quand c'est pas assez, ça vaut de l'or. Recommencer, partir de zéro. Quand moi je m'amuse de tes défauts, je suis touché, t'as coulé mon bateau. Mais ça vaut de l'or. Encore, et ça vaut de l'or.